Voilà, donc on continue avec France Gall, Je t'emmène, et puis suivi de tout simplement Charles Aznavour. Sur mes jours qui fuyaient dans le temps,

come from cutting I do. Johnny got to know her, then he swung the two. tous et à toutes. Merci de rester fidèle à Radio Arc-en-Ciel. Voici donc qu'elle s'appelle Chimène Badi. Son titre s'appelle Tout simplement entre nous. Et puis tout simplement après, c'est Le Pays avec Faudel. Que c'est ici que je suis né.

Arc-en-ciel, un amour de FM. Voici donc les types d'émissions pour aujourd'hui ainsi pour demain. Voilà donc à partir de 19h jusqu'à 21h, vous allez retrouver Christophe avec l'émission Electric Choc. Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Voilà donc pour demain, si je suis à partir de 9h jusqu'à midi avec Victor, Portugal, Nouvesta. Dans l'après-midi avec Gloria entre 14h jusqu'à 16h. Bonjour, je m'appelle Alain Pennec. C'est Christine Balfa avec le groupe Balfa Toujours. Bonjour, c'est Gabriel Yacoub. Bonjour, je suis Jean-Paul Corbineau du groupe Trian. C'est Denis du groupe Mes Souliers Sont Rouges. Vous écoutez les traditionnels sur Radio Arc-en-Ciel Orléans. Sur Arc-en-Ciel, les musiques traditionnelles, c'est le mercredi de 18h à 19h30. Suivi à partir tout simplement après à partir de 19h30 jusqu'à 21h avec Christina. Avec tout simplement Eddie Mitchell, son titre s'appelle tout simplement Son Parc Cruel, et puis juste après Eddie Mitchell, c'est Johnny Hallyday avec Adeline. Depuis que tu m'as quitté, ma vie est monotone, tu sais où me trouver. Je t'en prie, téléphone, t'es cruel, ce que t'as toi. Même si tu t'es fâché, dis-moi, c'est pas fini. Oublions le passé, pour nous l'avenir sourit. T'es cruel, ce que t'as toi. sang, j'aurais fait d'elle une autre loi, même s'il y en a d'autres avant moi. Quand Adeline danse comme ça, rien qu'à la regarder sourire, rien qu'à l'entendre tout me dire, des mots d'amour en porcelaine, des rêves fous derrière le ciel. Adeline fait de l'ombre au soleil. Quand elle danse, quand elle danse, même la musique ressemble à du silence. Quand elle danse, j'aime à la voir briser les rêves de l'innocence. Quand Adeline abandonné derrière moi, même les rêves que je n'ai pas, quand Adeline danse pour moi. Ouais, j'aurais déchiré toutes les lettres des amoureux fous, des poètes qui n'ont plus de raison de vivre, ils auraient trop de mal à suivre la danse d'Adeline m'ennuie. Quand elle danse, oui, quand elle danse, même la musique ressemble à du silence. Oh, quand elle danse, quand elle danse, j'aime à la voir briser les rêves de l'innocence. Quand Adeline danse, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleur. Et donc un petit coucou à Véro, voici donc eh bien Céline Dion, le titre On ne dérange pas. Et puis on ne change pas aussi, et juste prêt, on écoutera Goldman. On ne change pas, on met juste les costumes d'eau. Tout près de l'apparence, tremble un petit qui nous ressemble.

maison qui s'appelle tout simplement Patrick Sébastien avec le Gambadou. Quand le parti de rien, on est revenu tout. C'est parti les copains et l'amitié surtout. Si vous donnez vos voix, si vous votez pour nous, après la lampada, vous lancez le Gambadou. Les gars sans vous, l'annonce jusqu'au petit jour, on vendu vend les petits coups. On est le parti de rien, on est le parti des fous. Du moment qu'on est bien, tout le reste on s'en fout. On est tous sous du grand bagou, que lance les grands gourous le soir dans les zigous. On est tous sous du grand bagou, qui vont monter les joues et sauter comme des fous. Yes sir. On s'ajoute naturel, la skiff s'est dépensée. La seule chose qui nous shoot, on a vraiment l'enlevé. C'est le parfum du mois d'août pendant toute l'année. On est tous sous du grand balou, que lance les grands gourous le soir dans les zigous. On est tous sous du grand balou, qui font monter les joues et sauter comme des fous. Ils font monter les joues. Arc-en-ciel, un amour de FM. N'aie pas peur, j'ai déjà le cœur abîmé. Tu l'aimes, mais en vérité, quand il te sert, tu penses à moi, c'est déjà arrivé. Ce qui paraît t'es bien, ce qui paraît c'est rien. Dans les bras d'un autre, t'as retourné ta veste. Ce qui paraît t'es loin, il est parfait, c'est bien. Dans le cœur d'un autre, t'as déposé mes restes. Dis-moi si tu l'aimes, est-ce que c'est pareil? Dis-moi si tu m'aimes encore. Pour moi, c'est toujours la même. Je t'aime, mais ça recommence encore. Viens, on se dit bye bye, s'il te plaît, dis-moi bye bye. Sinon, dis-moi où. Viens, on se dit bye bye, s'il te plaît, dis-moi bye bye. Sinon, dis-moi où. Ma peine, je l'ai pas méritée. Mais ce qui est fait, est fait, c'est déjà oublié. Ta peine, tu vas la garder. Quand il t'aura dit bébé, va sur le côté. Moi, je t'envisage. Et tu cherches encore ce qu'il a de mieux que moi-même. Fermé dans sa cage, t'essaies de tourner la page. Mais tu penses à moi, tu sais que c'est pas le même. Dis-moi si tu l'aimes, est-ce que c'est pareil? Dis-moi si tu m'aimes encore. Pour moi c'est toujours la même. Tu sais que je t'aime, mais ça recommence encore. Viens, on se dit bye bye, s'il te plaît, dis-moi bye bye. Sinon dis-moi où. On se dit bye bye, s'il te plaît, dis-moi bye bye. Sinon, dis-moi où. Dis-moi si tu l'aimes, est-ce que c'est pareil? Dis-moi si tu m'aimes encore. Pour moi, c'est toujours la même. Tu sais que je t'aime, mais ça recommence encore. Ah ouais, là c'est dingue, des bisous de Paris. Tu sais Comme si c'était justice quand il tuait les...

Dehors, ne ressentez-vous

programme pour jeudi. Donc à partir le matin, à partir de 9h, et bien jusqu'à midi, vous allez retrouver Amer Giraud pour l'émission Vase de Portugal. Dans l'après-midi, à partir de 15h jusqu'à 17h, avec Chantal, l'émission Groove Tropical. Sejam bem-vindos à Rádio Arc-en-Ciel. Estão à escuta da emissão Pausa Musical com a Silvia, todos os sábados do meio-dia às 14 horas, no 96.2 FM. Música e boa disposição. Après, à partir de 20h, tout simplement, à partir de 20h, oui, jusqu'à 22h, avec Julien pour l'émission Noche Flamenca. Et puis donc, le vendredi matin, entre 9h jusqu'à midi, avec Lorenzo. Voici donc eh bien, les programmes. Eh bien, voici donc, je vous laisse avec la musique avec Lily Harmony. Son titre s'appelle Amour Magique et suivi de Mireille Mathieu. Le titre aussi de Mireille Mathieu s'appelle tout simplement Après, tout simplement, eh bien, l'amour et Arrive. Demi-salle est entière. Ai-je bu une fabuleuse potion? Est-ce une illusion? Quel est ton secret? J'ai tout occulté. En un tour de passe-passe, mes valeurs se sont volatilisées. Notre amour est surnaturel, notre relation irréelle. Nous vivons sur notre petit nuage. Est-ce un miracle? Naturel, notre relation irréelle. Nous avons créé notre propre rituel, notre danse d'amour sensuel. Notre relation irréelle, nous vivons sur notre petit nuage. serai l'eau d'une rivière. Je serai gravé dans la pierre. Avec trois morceaux portugais. Se o Benfica joga em casa, meu amor, não vai à bola. Hoje fica na bancada, meu amor, não se consola. Homem, não se preocupe, para a semana joga fora. Dará melhor resultado, iremos os dois à bola. Ele tem lugar cativo, fanático sei que é. Nossa casa.

Arc-en-ciel, un amour de FM. Toujours debout, il est pas fané ou mal barré. L'idiot qui voudrait me remplacer. Je dois tout le temps faire gaffe derrière chaque buisson à tous ces photographes qui me prennent pour des cons. Cela m'ont retiré un peu prématuré. Dites à ces enfoirés, je continue de chanter. Je ne vous ai jamais oublié. Et pour ceux à qui j'ai manqué, vous les fidèles, je reviens vous dire merci. Vous m'avez manqué, vous aussi. Trop content de vous retrouver. Je veux continuer, nom de nom. Continuer à écrire et à chanter. Chanter pour tous les sauvageons. Toujours vivants, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Il est fané ou mal barré, le couillon qui voudra m'enterrer. Depuis quelques années, je me suis éloigné. Je vis près des lavandes, sous les oliviers. Ils m'ont cru disparu, on me croit oublié. Ces trous du cul peuvent continuer de baver. Moi sur mon petit chemin, je continue de chanter. Voilà donc, après Renaud, voici donc Danny Brillant. Puerto Cancún, kunus temar arete. Na gugulera kavidziar aizate. Pasesh gampaniano petule. Come na guapo pete fa guarda. Tu vuoi fare americano, americano, americano. Sientame chi tu fa fa. Tu vuoi vivere alla moda. Ma si bevi whisky e soda. Può te siente disturba. Tu avallo rock and roll. Gioca al festival, ma sorte pecca a me. Chi te ridà la borsetta di mamma? Tu vuoi fare americano, americano, americano. Ma si noti in Italia, sientame, non c'è sta niente a fa. O che la morita. Tu vuoi fare americano, tu vuoi fare americano. Fa l'amore sotto la luna. Come te bene che fai, I love you. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano. Sientami che lo fa. Tu vuoi vivere alla moda. Ma si vedi un po' di schiazzola. Qualche se ne disturba. Guarda lo rock and roll. Tu giochi al casino. Ma è sotto il pezzo. Arc-en-ciel, un amour de la femme. Suivi de Elsa. Tout

sinon que Joël Ursule avec What's on Black Blue. Lorsque l'on me parle de couleur de peau, j'ai une blouse qui me fait froid dans le dos. Je me sens dans un conte d'Edgar Allan Poe. C'est le nevermore. Thank you. Plus comme ça,

Cette chanson qu'on va se quitter avec Magic System. Voilà, donc on va se quitter, qu'on va se retrouver prochainement. Voilà donc, et moi aussi j'espère que c'est passé une bonne après-midi en ma compagnie. Voilà donc, et bien je vous dis bonsoir à tous et à toutes. Rosio, se no ti ma copri. São 4 horas em Portugal Continental e na Madeira, 3 nos Açores. Esta hora nas notícias. A Presidência da República confirma já enviou para o Ministério Público o caso de alegado encobrimento de abusos sexuais que envolve o bispo de Leiria Fátima, José Ornelas. Depois do escândalo de doping, os ciclistas da W52 Futebol Clube do Porto foram punidos com suspensões entre os 13 e os 7 anos. O castigo mais pesado foi para João Rodrigues, a ciclista que venceu a volta a Portugal em 2019. Se tem mais...